Un an après son renvoi du Bonheur des Dames, en juillet donc, tandis que Denise promène comme d'habitude son petit frère Pépé dans les jardins des Tuileries, rencontre Mouret, alors qu'il se rend chez Madame Desforges pour son thé du samedi. Mouret a plus que jamais besoin du soutien financier du baron Hardman, le riche protecteur de Madame Desforges. Mais Mouret préfère retarder sa visite chez Madame Desforges, malgré les réticences de Denise. Il présente donc à Denise des excuses pour son renvoi l'année précédente et lui propose une nouvelle place au Bonheur des Dames, qui est en plein travaux d'agrandissement.